Spain. Veille de l'événement, à la nuit qui flippe. Yo yo, science, à la veille de l'événement, j'arrive comme un inconscient. Un con avec sa science à 2 francs, qui dit que ce rap est franc avant d'être français. Mon langage, le tien, le vôtre que je partage avec vous. Ma vie se divise en 2 bilingues, la nuit comme le jour. Parcours habituel, comme les femmes discours. Habituel, comme les habits qu'on porte. Comme les portes qu'on supporte, qu'on encourage. On prête main forte à notre entourage. Propre, pas pourri, déjà ça empire. Trop de traites pénètrent, sortent le cypher, se fait trahir. Mais pourtant on reste dedans. Comme 2-5-5, je rentre dedans. Comme Melka, j'ai la rage dedans. Je dis ce que je ressens, crie, croque avec mes dents. Électrique sensation, courant en prise de son. Le toucher de l'écoute provoque le frisson. Phrase et flow, phase logique. Disait qu'il décolle du sol pour arriver au ciel comme une secousse sismique. Le monde au courant de l'événement. Un texte pour te dire que si tu te kiffes trop longtemps, tu finis par te retrouver dans le camp des nazes. J'honore mon blast, psychique cette lettre lourde qui dans l'hip hop écrase. À la veille de l'événement, j'arrive à la nick flip. Reprendre flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané quand le beat j'agrippe. J'lâche pas la grappe, j'm'adapte et frappe pour ma clique. À la veille de l'événement, j'arrive à la nick flip. Reprendre flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané quand le beat j'agrippe. J'lâche pas la grappe, j'm'adapte et frappe pour ma clique. Aujourd'hui la veille d'un moment merveilleux. Moment où les yeux surveillent ma source. Sur ce, il faut que les villes, les banlieues s'éveillent. Que les jeunes cessent les rages, braille pour que tous bandent l'oreille. Ça fait un bail des vieux de la vieille. Donc faut que ça paye en maille. Si on se mouille, c'est jusqu'au bout, jusqu'au cou et sans détail. Travail sans trêve pour un rap de taille. Les rêves quand ils deviennent réalité. Que les souhaits les plus chers se réalisent quand c'est mérité. La qualité en quantité, voilà ce qu'on donne sans vanité. La vérité un principe mais versifié. Rap diversifié, laisse-moi le temps de souffler. Laisse-moi le temps de souffler. Yo, yo. À la dernière minute, le front plein de sueur. Je traque les rimes qui sont dans ma tête comme un chasseur. Je réfléchis devant le beat comme devant une rivière un pêcheur. Attends que ça mord à l'hameçon, attends plusieurs heures. Attends que la patience ramène la sagesse en harmonie avec la fraîcheur. Et les couleurs, ce qui est inspiré t'empêche de désespérer. Ne peut que t'emmener vers le spontané, le sec empêche la fleur de faner. Ma rime, je raffine, dessine un flot qui remplit la bassine. De cette manière, je présente les racines, calcine. Le faux l'assassine, s'il le faut, v'là des rimes. Sérieusement d'une tête, en plein creusement. Et non d'une phase faite de recyclement. Je suis indulgent, tire ce qui reste de mon intelligence quand je veux que ce soit fulgurant. On dit que ce gars est une puissance figurant. Dans un album pour l'instant, dans un autre plus tard. Mon regard, aujourd'hui, sur le hip-hop est en retard. La vibe de l'époque part, le respect se perd. On le retrouve nulle part. Perdu dans la nature, dans un coin sur terre. Perdu dans la nature, dans un coin sur terre. Et y'a un. À la veille de l'événement, j'arrive à la nick flip. Reprends le flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané quand le beat j'agrippe. J'lâche pas la grappe, j'm'adapte et frappe pour ma clique. À la veille de l'événement, j'arrive à la nick flip. Reprends le flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané quand le beat j'agrippe. J'lâche pas la grappe, j'm'adapte et frappe pour ma clique. Ça fait 8 ans que ça dure, qu'on endure paix et joie. J'dis ce que j'vois d'une manière sûre. À chaque mesure, la vérité sans injure. La censure, c'est un ascenseur qui se bloque en surpoids. Si tes rimes pèsent dans le domaine du bise, on croit. Y'a l'événement, débarquement de trident. Trop dur prévenant pour mécréant, on y rentre de l'angle mordant. 2-5-5 médite dans notre réseau l'élite. Pas fait pour créer, s'agite. Mort subite, un autre épisode de la gamme où le shit au grand public, subtilité, effet convoité ici. No doubt, là, no doubt. Pour la page, je dois rester exact. Sans dévier, un seul chemin, une seule ligne après ça. Je veux trier, cauchemar dans ce rêve, la réalité. Ça tourne à nous d'actualiser. Péril risqué, bras de verre qui veut faire baliser. L'esprit des 5-5. C'est pas Rouen, arrivé, qui sait, de source sûre, pilotage, de partance. On verra, zapper, yo, de source sûre, 5-5, clic, flippage, à la nique, yo. À la veille de l'événement, j'arrive à la nique, flip. On prend le flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané quand le pitch a grip. J'lâche pas la grappe, j'm'adapte et frappe pour ma. À la veille de l'événement, j'arrive à la nique, flip. On prend le flambeau sur n'importe quel morceau avec mon équipe. Travail spontané, quand le beat, j'agrippe, ouais. À la nique, frère, à la veille de l'événement. Kawel, psychique, game, AGV. Et 3 refs, plus le bonus, ouais. Nickage, frère.